je cherche l'inspiration. Je trouve rien, je passe pour un con, j'arrive pas à écrire ma chanson. D'abord faut trouver un bon thème, comment faire pour pas tomber dans les amours et les je t'aime, faire l'originalité. Ça commence à me gonfler. T'aurais pas une petite idée pour moi? Je commence à m'énerver. Ça m'énerve, mais est-ce que ça m'énerve? Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Ça y est, mon thème, je l'ai trouvé. C'est l'histoire d'un mec qui écrit une petite chanson pour épater et draguer toutes les filles. Je commençais pour chercher des vers, mais je trouve plus mon dico de rime. Alors je demande à mon grand-père, il me dit débrouille-toi seul Maxime. Bon alors mon grand-père, je vous explique, il sait pas comment je m'appelle, alors il m'appelle Maxime, voilà, c'est plus, enfin c'est comme ça. Alors je reprends mon crayon et j'essaye de faire rimer. Espèce de petit avorton, avec ta gueule ça va chauffer. Ça y est, mon texte il est écrit, il me reste plus qu'à placer. Deux, trois accords et c'est parti, je choisis la mi et ré. Non, non, pas. C'est pas la mi ré ça, non. Qu'on se le dise, ça je dirais plutôt que c'est ré la mi, hein. Mais bon, évidemment il veut faire des rimes, alors c'est mieux que ça joue. Son est vraiment débile, mais ça me fait marrer. Ça n'augmente pas mon sexe à pile, mais faut savoir déconner. J'ai un peu perdu mon crayon, j'ai perdu mon crayon. Je sais plus où il est mon crayon, et je retrouve plus mon crayon. La la la la la la. La la la la la la.